t'aime vraiment. Quelqu'un qui maintenant me comprend. Je n'ai pas peur, car plus rien dans tout l'univers, rien ne pourra nous éloigner. Pour toujours tu sauras me protéger de l'orage, des démons et des mirages. Pour toujours, toi et moi, car tu es mon ami pour la vie. Dans ton regard, j'ai trouvé la force et l'envie, le courage d'affronter la nuit. J'ai découvert le plaisir de tout partager.